une BD chez Cadran, qui est, semble-t-il, désormais officiellement une collection, un sous-label de chez Soleil. Oui, bien plus qu'une collection, hein. Label, voire même maison d'édition. Je crois qu'il se présente comme une maison d'édition sur le blog. Il se présente comme une maison d'édition, mais et c'est vrai que dans l'album, il n'y a aucune référence vraiment explicite à Soleil. Juste sur la quatrième de couverture, ben, la référence au site web www.cadransolaire.com. Alors, si vous cherchez Cadran Solaire, ça s'écrit QU, donc jeu de mots, et www.soleilprod.com, donc le site de Soleil. Et alors, chez Cadran, il y a pas mal de trucs qui ont été publiés, puisque Universal War One, cette saga épique de Bajram de science-fiction, est parue dans leur collection, finalement, Cadran Solaire. Et puis, il y a eu plein de choses, KGB, qui est sorti, qui était peut-être un petit peu moins super marquant, mais Le Fléau des Dieux par Mangin et Gaïc est sorti aussi chez Cadran. Chronique de l'Antiquité Galactique, j'aime beaucoup cette appellation. Enfin voilà, donc une collection, un éditeur qui est assez intéressant, et on y retrouve un récit autobiographique de Jung, qui en fait c'est Jung Sik, qui est vietnamien. Et Jung Jung Sik, en fait, c'est un dessinateur de BD. Alors, je cherche, évidemment, ça, voilà, plop. Eh bien, je ne la trouve pas, bien entendu, puisque, évidemment, voilà, si, voilà. Donc, Jung, en fait, il a sorti des trucs, on en a entendu parler, c'est pas un auteur de BD très célèbre, mais c'est lui qui avait fait La jeune fille et le vent, en 3 tomes, paru chez Delcourt. C'est un gars de l'écurie Delcourt. Il a sorti aussi La danseuse du temps, paru là chez Dargo. C'est un dessinateur, il est pas très vieux, il est né en 65, c'est un gars qui doit être il est de la quarantaine, la petite quarantaine comme ça. Coréen, rapatrié coréen de... ou vietnamien? Coréen. Ouais. Qui fait partie de la fournée de petits-enfants coréens qu'on a ramenés un peu après la guerre de Corée, une dizaine d'années après la guerre de Corée, les petits orphelins coréens qu'on a adoptés en Europe. Et il y a eu comme ça 200 000 enfants, c'est énorme, hein. La Corée n'est pas un pays extrêmement peuplé, donc c'est vraiment énorme, qui sont partis, aux États-Unis, qui en France, qui au Danemark, en Suède ou en Belgique. Jusqu'à la fin des années 70. Jusqu'à la fin des années 70. Jung faisait partie de ses petits-enfants, puisque il faut savoir rappeler un petit peu l'histoire de la guerre de Corée. Je rappelle en même temps l'histoire du livre, puisque c'est une autobiographie. La guerre de Corée, c'est une guerre qui éclate juste après la Seconde Guerre mondiale et qui va, pendant plusieurs années, déchirer un pays en deux, puisque la Corée a été occupée pendant le Japon pendant très longtemps. Le Japon a perdu la Seconde Guerre mondiale, la Corée s'est retrouvée donc un peu... Et s'est retrouvée, comme beaucoup de pays, notamment en Europe de l'Est, le théâtre d'affrontements un peu larvés entre les États-Unis et le bloc communiste, sous couvert de guerre froide et une guerre Est-Ouest qui ne voulait pas vraiment dire son nom, hein, un peu comme l'Afghanistan, un peu comme d'autres. Et comme le Vietnam, quelques années plus tard, bien entendu. Et donc, la Corée a été scindée en deux, une Corée du Sud plutôt occidentale, une Corée du Nord plutôt dominée par l'URSS. Je disais, comme tu prends des pas, c'est ton... C'était clairement un régime communiste, la Corée du Nord. Et puis la Corée du Sud, oui, c'est un des pays qui s'est le plus occidentalisé, si pas culturellement, au moins économiquement. Absolument, mais ça, après. Il a fallu du temps, voilà. C'est sûr. Donc le truc, c'est qu'on a scindé la Corée en deux, la Corée du Nord a envahi la Corée du Sud... la Corée du Sud a répliqué, les États-Unis se sont ramenés à toute vapeur, etc. Et en fait, la Corée est toujours aujourd'hui officiellement en guerre. Ça, c'est un truc qu'on ne sait pas, mais il n'y a jamais eu d'armistice qui a été signé. En fait, la Corée est en cessez-le-feu depuis, je crois, 1953. J'ai plus la date exacte, ça doit être dans le bouquin. Je suis en train de chercher en même temps, évidemment. Donc voilà. La Corée du Nord et la Corée du Sud se regardent en chien de faïence. Alors il y a des histoires épiques, hein, à propos de la Corée du Nord et de la Corée du Sud. 1953, je disais bien. Par exemple, en 1974, donc quand même 21 ans plus tard, les Coréens du Sud ont découvert que les Coréens du Nord avaient creusé un tunnel sous le No Man's Land qui sépare les deux pays et se préparaient en fait à faire passer des espions et des soldats par le tunnel. Donc vraiment un truc de fou quoi, c'est une histoire de contre-espionnage complètement dingue. La guerre de Corée, faut-il le dire, épisode pas forcément super mis en lumière dans l'histoire contemporaine. Un pays qu'on coupe en deux, parce que la Corée est un pays, Corée du Nord et Corée du Sud, c'est artificiellement séparé, ça crée évidemment des drames familiaux, des familles éclatées, des enfants qui perdent leurs parents, et tout ça, des déchirements, et donc un nombre assez astronomique d'enfants qui se sont retrouvés dans la rue, abandonnés, dans les orphelinats. Et bien entendu, là aussi, l'oncle Sam, dans son infinie bonté, on imagine bien que ça a un côté un peu hypocrite naturellement, de nombreux orphelinats, on les appelait les orphelinats Holt, parce qu'ils ont été fondés à l'origine par une vieille dame qui se faisait appeler Grandma Holt. Donc on vu le jour en Corée du Sud et on recueillit tous ces orphelins et ont donc servi un peu de point de passage pour des petits enfants qui passaient alors vers l'ouest aux États-Unis ou en Europe vers des familles bien entendu qui mouraient d'envie d'accueillir des petits. Donc c'est assez, alors évidemment ça prend une lumière toute particulière face à l'actualité récente puisque l'affaire du Tchad des immigrés un peu forcé et tout ça, et notre cher pilote belge qui s'est fait sortir de la prison il n'y a pas longtemps. Donc si vous ne voyez pas de quoi je veux parler, replongez-vous dans les journaux récents, puisqu'il y a eu une histoire de petits orphelins qui allaient se faire adopter ou pas, ou on ne sait pas vraiment, mais enfin bon voilà, et une association française mise en cause assez lourdement dans cette histoire. Donc c'est assez... Je veux dire que... Quand... Tu avais parlé il y a quelques années d'un film où on... Ne dis pas il y a quelques années, Bruno, ça me prend. Ça fait 5 ans qu'on fait cette émission. Non, j'exagère un peu. Quoique, 4 ans. Ce film australien réalisé par Philip Noyce, je pense, où on voyait des enfants aborigènes adoptés de force, retirés de force de leur famille oui, absolument, dans des familles, qui s'appelait de Rabbit Fence ou quelque chose comme ça. Ouais. Ça oui. Donc, c'est vrai qu'on s'aperçoit que l'adoption, il y a beaucoup de bonnes intentions, mais qu'il y a aussi parfois beaucoup de colonialisme ou néocolonialisme derrière. Oui, larvé, tout à fait. Et puis on ne se rend pas tout à fait compte aussi que sous couvert, parce qu'il y a des gens forcément qui sont parfaitement honnêtes sur le sujet et qui ont juste envie de faire du bien, les pauvres petits-enfants abandonnés. Il ne faut pas oublier quand même que c'est un déracinement de plus de 10 000 kilomètres et d'une culture complètement différente, donc c'est assez étrange. Et Jung nous raconte tout ça dans ce très très très très très joli récit Couleur de peau miel. Couleur de peau miel s'explique en fait, il raconte l'histoire de sa vie et c'est assez, le ton est assez rigolo en fait. Et le récit commence par il a redessiné la lettre qui était son bilan d'admission en fait dans le centre Holt où on décrit voilà il a telle taille, enfant gentil mais pas très bavard machin et yeux telle couleur et peau couleur miel. Et apparemment ça lui est resté comme un truc vraiment bizarre. Il dit couleur miel, mais qui a la peau couleur miel, jaune ou noir ou blanc, mais enfin je comprends pas, miel c'est bizarre, mais enfin on dit que t'as les cheveux miel ou quoi, donc c'est assez étrange et c'est vraiment rigolo. Si on te dit que t'as les cheveux miel, il est temps de les laver. Oui, absolument. Et donc Jung nous raconte son histoire. Alors ce n'est pas du tout c'est une histoire en BD, donc forcément on se dit qu'il va y avoir beaucoup de pages. Il y a quand même 144 planches. Donc c'est noir et blanc, si je vois bien. Noir et blanc, oui. Noir et blanc avec un espèce de dessin un peu... je connais pas la technique, je sais pas si c'est de l'aquarelle ou du crayon. C'est des grisés, en fait. Il y a un dessin à l'encre, et puis il y a des... Comme le procédé qu'on utiliserait pour faire de la couleur, mais uniquement avec des niveaux de gris. C'est assez curieux. Et ce qui est vraiment formidable dans cette BD, en plus du graphisme et en plus de l'histoire qui est en soi absolument passionnante, c'est le ton. Parce que Jung nous raconte quelque chose qui est vraiment très intime, c'est réellement l'histoire de sa vie. Et il le fait avec un espèce de détachement, de petit sourire en coin. Par exemple, il se dessine, enfant, et il illustre en fait... Et il y a souvent des face caméra où le garçon dit « Quoi? Comment? J'ai fait ça, moi ?» Ou des petites réflexions que lui réintroduit dans son histoire. Donc c'est vraiment pris avec un peu de légèreté, un peu d'ironie. Et c'est beaucoup d'humour et une grande liberté de ton. En fait, c'est vraiment... Quand je parle de détachement, en fait, c'est pas une réflexion, une intellectualisation ou quoi. C'est vraiment du détachement, du recul par rapport à ce qu'il a vécu. Il y a des choses qui sont assez dures, il y a des choses qui sont marquantes. Il explique que ado, il haïssait la Corée. Vraiment, il ne voulait plus être coréen. Il détestait ce visage qui lui rappelait sans cesse qu'il n'était pas belge, mais bien coréen. Il y a des réflexions par rapport à sa famille d'adoption. Oui, là aussi, il raconte des choses qui sont fort dures, des punitions physiques, des incompréhensions, presque du racisme par moment de la part de sa famille d'adoption, ce qui est assez étrange, puisque finalement, c'est eux qui ont voulu qu'il vienne. Et il garde toujours un côté optimiste, en fait, par rapport à ça. Même quand il raconte des choses graves, c'est toujours... D'ailleurs, en fait, la couverture le montre bien, puisque c'est lui tout petit, avec le papier griffonné qui porte son nom. Et donc, il est en rayon, il est visiblement perdu dans les rues, tout ça, etc. Mais il a un grand sourire. Et tout le récit est à l'avenant. Il y a des passages qui sont plus doux, plus délicat, plus méditatif, mais en même temps, toujours derrière, il y a une petite pirouette. Jamais rien d'extravagant, jamais rien d'outrancier ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment un récit qui est élégant, sympathique et optimiste. En fait, on termine ça avec le sourire. On a un très bon aperçu d'histoire contemporaine, un truc qui est plutôt méconnu, un récit qui est en même temps intimiste, très intéressant sur la vie. Il y en a 200 000 qui ont vécu la même chose que lui, donc ça a un côté exemplatif aussi. Et on termine le récit, on ferme la dernière page, on se dit « Ah !» On soupire et on se sent bien. C'est vraiment pour ça un très très très très chouette album de BD, donc moi je ne peux que vous le conseiller. Et de nouveau, je me dis que voilà encore un album qui est produit par Soleil, puisque donc, on le disait, Cadran, c'est un label de Soleil, ça fait partie en tout cas du même groupe, et encore un album de grande qualité. Et vraiment, voilà, j'arrête pas de dire du bien de Soleil, moi, dans cette émission, c'est tout à fait sidérant. Mais ne soyons pas manichéens. Absolument. Et au-delà de nos préjugés, jugeons les œuvres sur pièce. Absolument. Nous ne sommes pas Jean-Claude Menu, après tout. Mais on parlait de la collection Shampoing. Manifestement, Cadran solaire est aussi une collection sur le même principe, puisque à la base, c'était une collection clairement de SF. Tout à fait. Cadran solaire, collection dirigée par Bajram lui-même. Et manifestement, avec l'autre personne qui est à la tête de ce label, qui est une Belge issue de l'édition. Je pense qu'elle est passée par chez Dupuis, je crois. Mm-hmm. Je suis pas sûr. Elle a fait partie de tous ceux qui en sont partis, sauf erreur de ma part. Et donc voilà, on voit que à côté de Universal War One, Valérie Mangin peut-être. Ouais, voilà. Oui, voilà. Ils sortent d'une BD autobiographique en noir et blanc. Tout à fait. Et en fait, façon roman graphique. Apparemment, c'est récent ce développement parce que dans les dernières pages de Couleur de peau miel, on a un catalogue de la collection Cadran. Oui, il y a déjà quatre sous voilà. Collection. Où ils expliquent quatre collections. Donc Cadran solaire qu'on connaissait déjà, donc Fantastique, SF et compagnie. Cadran Azimut. Qui est plutôt un label humoristique. Cadran Astrolabe, qui se décrit comme une série de récits intimistes. Et Cadran Boussole, qui seront plutôt des récits d'aventure et d'action. Voilà, donc vraiment, ils ont clairement décidé de développer le concept. Et de nouveau, là aussi, comme tu disais au niveau du format, on se souvient d'Universal War One, c'était un grand format cartonné. Ici, on a une BD qui fait grosso modo 15 par 25, donc un peu plus petit, ou 20 par 25, et qui est un récit en noir et blanc, assez long, 144 planches, donc c'est vraiment très intéressant. Si ça vous intéresse, vous pouvez aussi lire avec beaucoup d'intérêt, parce que c'est vraiment chouette, la fin, donc il y a ce n'est pas négligeable, il y a un petit dossier à la fin, un petit dossier sur la BD et sur l'auteur, qui fait quand même 6-7 pages, donc c'est pas complètement vide, quoi. C'est pas juste de la pub. Il y a même un édito, c'est assez comique, puisque c'est un édito qui n'est pas signé, donc de la collection, mais qui est en fin d'ouvrage. C'est un petit peu bizarre. Donc voilà, Couleur de peau au miel par Jung, chez Cadran Astrolabe. Voilà. Récit intimiste, c'est ça qu'on disait. Premier album de la collection et très très très très très joli récit à propos d'un petit garçon qui est devenu auteur de BD et surtout qui a été importé, comme il le dit lui-même, de Corée. Et pour ton plus grand bonheur, Xavier, il me semble que tome 2 sortira déjà du côté de février-mars prochain. Eh bien, ce serait une très très bonne nouvelle, parce que vraiment, je me réjouis. On se régale avec ce truc. Et si vous allez faire un tour sur le site, il y a déjà toute une série de sorties qui sont annoncées. Et à côté de Peau couleur miel, tome 2, il y aura des choses intéressantes comme ce fameux projet de Midam pour Soleil dont on avait parlé à la sortie du nouveau Kid Paddle. Et c'est dans ce label-là que ça sortira. Mm-hmm. Je pense que lui sera plutôt au scénario. Et il y aura également une série humoristique dessinée par Spicert. Ah oui, dessinateur qu'on aime beaucoup ici. Ah bah oui, qui fait Ingmar par exemple, et puis Comme tout le monde. Oui, tout à fait. Dont le volume 2 est sorti il y a pas longtemps. Effectivement. Enfin, oui. Le volume 2 avec le volume 1. Ah, en intégral. Donc alors, ceux qui ont acheté le volume 1, voilà. Vous l'aurez une deuxième fois. C'est bien fait pour vous. Voilà. Bref. Bref. Donc un éditeur qui a l'air un éditeur tout à suivre. À fait intéressant. Un éditeur à suivre en tout cas.